Merci de cette invitation. Donc, je vais vous présenter donc, un travail que j'ai mené sur la médiatisation du classement de Shanghai. Donc, je vais rapidement présenter un peu le contexte de cette recherche et ma méthodologie. Et je mettrai l'accent sur le processus donc, de médiatisation à partir d'une étude de sa généalogie et sur la façon dont cette médiatisation s'est co-construite et la façon dont la formule s'est imposée. Alors rapidement, donc, dans le cadre de mon laboratoire, j'ai longtemps travaillé sur l'enseignement supérieur et en particulier la politique d'incitation et de généralisation des technologies de l'information et de la communication. Et dans ce contexte, j'ai observé une rhétorique autour de l'internationalisation éducative, un impératif d'attractivité, de compétitivité des établissements que ces outils technologiques étaient censés apporter. Et je me suis intéressée donc à cette rhétorique et petit à petit à cette culture du classement, ce gouvernement dans un contexte de gouvernement par les nombres, la façon dont les établissements faisaient écho à un certain nombre de discours, les relayaient, en particulier les discours autour du classement de Shanghai. Donc ce discours autour du classement de Shanghai, je me suis demandé comment il s'était petit à petit développé et j'ai voulu comprendre un peu le succès de ce classement. Alors en fait, les classements académiques étaient principalement des classements plutôt d'origine médiatique, enfin produits par des médias, et le classement de Shanghai, dit de Shanghai, qui en fait a été pour la première fois rendu public en 2003 par l'université donc Jiaotong de Shanghai, et le premier classement issu du champ académique. Donc ça, c'est une nouveauté. Et je me suis demandé si ça avait été un des facteurs qui est explicatif, en tout cas, de son succès. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Donc mon approche était discursive. Je vais vous expliquer la façon dont j'ai constitué mes corpus. Et je me suis demandé comment ce classement était devenu dans un premier temps un événement, et puis petit à petit aujourd'hui un référent social, une sorte de référence archétypale, en tout cas la notion de classement dans le champ académique. Je terminerai en essayant d'examiner la dimension performative de ces discours, et en particulier en quoi ils portent une logique de stigmatisation, une logique de name and shame, c'est-à-dire typique des classements, et en particulier des classements académiques. Alors, pour constituer mes corpus, je suis partie du postulat que nous sommes aujourd'hui face à des espaces publics pluriels, mosaïques. Et donc, j'ai considéré que les espaces médiatiques étaient à la fois des espaces où se co-construisaient évidemment des processus de médiatisation, mais c'était aussi des espaces au sein desquels un certain nombre d'acteurs allaient participer à cette co-construction. Donc ça me permettait d'observer à la fois la façon dont on allait aborder ce classement et puis aussi réagir par rapport à ce classement. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir les formes d'interdépendance et ce que ce classement finalement révélait par rapport à l'enseignement supérieur français. Donc mon approche a été diachronique, c'est-à-dire que je suis remontée à 2003 et j'ai recherché systématiquement tous les articles, dépêches, enfin tous les documents qui traitaient donc de ce classement, et j'ai utilisé un outil de statistique textuelle parce que mes corpus sont assez importants pour traiter de manière systématique tout ce matériel, et j'ai procéder aussi à des entretiens compréhensifs, des entretiens complémentaires pour vérifier un certain nombre d'hypothèses et résultats. Donc j'ai interrogé deux principales bases de données, donc Factiva qui me permettait d'avoir accès à une presse généraliste, donc francophone, je me suis concentrée sur la presse francophone, et une autre source pour moi d'information qui était une agence de presse spécialisée dans le domaine de l'éducation, que vous connaissez sûrement, qui est l'AEF, qui m'a permis d'essayer de voir au niveau de l'espace académique quelle avait été la façon d'aborder ce classement. Donc pour Factiva, j'ai considéré que ce corpus allait être, tant vers l'exhaustivité, était assez représentatif de l'espace de la presse généraliste. Et pour l'AEF, il me semblait que c'était intéressant puisque cette agence d'information spécialisée est une agence sur abonnement, mais très nombreux acteurs du supérieur sont abonnés, la majorité des universités, des écoles, des ministères. Donc il me semblait que ces deux espaces étaient intéressants pour voir les éventuelles différences entre ces espaces et pour les confronter. Ce qui m'intéressait, c'était d'examiner la façon dont à la fois le classement s'est diffusé et a circulé. C'était ça qui était au départ dans ma recherche, enfin un point de départ de ma recherche. Alors pour contextualiser un peu ce classement, il faut savoir qu'à l'origine, ce classement était issu d'une demande locale, vraiment, uniquement locale. Il a été mis en place par une toute petite équipe de 5 chercheurs, et qui étaient à l'origine des chercheurs qui étaient plutôt spécialisés dans les sciences dures et qui petit à petit se sont intéressés à l'enseignement supérieur. Et donc ils avaient pour mission de construire un classement qui permettrait aux étudiants chinois de mieux choisir leurs universités et surtout d'essayer de montrer quelle était la place des universités chinoises par rapport aux autres universités internationales. Cette petite équipe, en fait, n'avait pas de moyens particuliers. Ils ont surtout utilisé les bases de données en ligne pour mettre en place le classement. Et les critères étaient principalement basés sur les prix Nobel et Field, les citations dans les revues Nature et Science. Depuis, ils ont un petit peu complexifié les critères, mais c'est un classement qui porte quand même principalement sur des aspects de recherche. Ce classement donc, qui a suscité un certain nombre de réactions, petit à petit s'est autonomisé d'une certaine façon, puisque au départ il était rattaché donc, à l'université Jiaotong de Shanghai, et maintenant il bénéficie d'un site dédié et il a maintenant des moyens assez importants. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que dès le début, il n'y avait aucun service de communication, aucun service de presse, et encore aujourd'hui, les auteurs du classement sont très difficiles à joindre, et les journalistes ont souligné lors des entretiens que j'ai menés la difficulté d'avoir accès finalement aux créateurs, enfin ceux qui ont conçu, aux concepteurs plutôt de ce classement. Alors pour distinguer donc ces deux espaces, donc l'AEF d'un côté et Factiva, j'ai regardé donc dans ces deux espaces, quand est-ce que le classement avait été évoqué pour la première fois. Alors le classement a été publié pour la première fois en juin 2003, et il y a un délai de latence de 7 mois avant qu'on commence à en parler en France, et d'ailleurs on en parle très très peu. Et la journaliste donc de l'AEF, donc c'est l'AEF qui a commencé, qui a d'abord fait part dans une revue de presse, indiquer l'existence de ce classement en relatant une information australienne issue d'un journal australien qui l'évoquait. Et en fait, la journaliste de l'AEF, qui va largement contribuer à sa médiatisation, en fait, a pris connaissance de ce classement grâce à une lettre d'information de l'université Paris 7. Donc on voit que c'est des sources très indirectes au départ qui permettent d'avoir accès à cette information. Et elle a trouvé donc cette information intéressante. Et surtout, comme elle a indiqué lors de l'entretien, elle a trouvé que certes c'était un petit peu simple comme classement, mais elle trouvait que c'était un classement qui correspondait bien aux représentations qu'on pouvait se faire de l'enseignement supérieur international, puisque Harvard arrivait en tête. Donc pour elle, c'était un gage de crédibilité. Et comme les universités françaises étaient plutôt mal placées, elle trouvait que c'était vraiment tous les ingrédients pour un événement médiatique. Et donc elle a très rapidement mesuré l'écho que cette information va produire, puisque très vite elle va être contactée, sollicitée par un certain nombre d'acteurs du supérieur qui vont réagir à ce classement. Dans le cadre de la presse généraliste, les sources ont été aussi indirectes et principalement liées à l'AEF en fait. Et petit à petit, ce que j'ai observé, c'est que par un effet de reprise classique des logiques de presse, les journaux vont reprendre l'information, et c'est ainsi qu'elle va petit à petit se diffuser. Mais je reviendrai plus dans le détail après sur les journaux qui ont joué un rôle important. Mais en tout cas, au niveau des sources, c'est à nouveau des sources indirectes. Et il faut aussi noter, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure dans le cadre de l'AEF, mais c'est important, le rôle de la Commission européenne, en particulier du site Cordis, puisque c'est par le site Cordis que Jean Grisel de l'Université Paris 7 a eu l'information, et c'est comme ça qu'il l'a relayé. Donc en fait, finalement, c'est au niveau européen que l'information... l'information a été relayée dans un premier temps. Donc on va observer dans le cadre de la presse généraliste aussi des relais semblables, c'est-à-dire la Commission européenne et les agences de presse, en particulier l'AEF. Les journalistes qui vont traiter de ce classement, en particulier, je vous parlerai d'entretiens que j'ai menés dans le cadre des Échos, par exemple, et du Monde. Donc les journalistes ont eu à peu près la même réaction que dans le cadre de la journaliste de l'AEF, c'est-à-dire un classement conforme aux représentations que l'on peut avoir de l'excellence académique et en même temps une place des universités françaises qui constituait un véritable événement. Et l'entretien du Monde, là j'ai mis un extrait, souligne bien que pour eux, la force de Shanghai, c'est que c'est des critères simples, tout le monde peut comprendre, ça parle de prix Nobel, donc c'était un gage de crédibilité. Donc je vous représente ici la façon dont il s'est déployé, en tout cas sur la période 2003-2010. Alors ce qu'il faut noter, c'est que finalement, les résultats du premier classement sont traités en 2004, en fait. Hein. Donc c'est pour ça que 2004 est surreprésenté, puisqu'il y a les résultats de 2003 et de 2004 au cours de l'année 2004. Ce qu'il faut noter, donc si l'AEF en parle de manière relativement croissante et constante, c'est bien sûr compte tenu de sa spécialisation hein, dans le champ académique. Et à partir de 2009, l'AEF va d'ailleurs créer un dossier consacré au classement compte tenu du succès de la lecture des dépêches qui sont consacrées au classement. Donc on voit un effet circulaire, hein, le succès de lecture des dépêches consacrées au classement académique et en particulier au classement de Shanghai explique aussi que les journalistes vont de plus en plus traiter ce type d'informations parce que ça fait partie des informations qui sont les plus lues. Dans le cas de la presse généraliste, on observe un pic vraiment très important en 2008. Alors je reviendrai hein, sur la période 2008 qui correspond à un contexte de mouvement, en tout cas en France, dans l'espace académique, avec une mobilisation contre les réformes mises en place, et en particulier celles mises en place par Valérie Pécresse. Et au cours de cette période, le classement de Shanghai va faire l'objet d'un usage sociodiscursif très important, puisqu'il va être régulièrement invoqué pour justifier, par exemple, des réformes. Donc ça explique un peu ce pic. Alors, pour la diffusion et la circulation donc, de ce classement, j'ai observé qu'au départ, il y avait un certain nombre de journaux leaders pour l'espace de la presse généraliste, en particulier Le Monde et Les Échos, qui vont, de manière assez régulière et constante, traiter de ce classement. La Tribune va aussi, dès le départ, s'intéresser à ce classement, mais de manière plus irrégulière. Et si Libération va aussi traiter de ce classement, j'ai observé un pic dans le cas de Libération en 2008, parce qu'il va être aussi, ces journaux sont aussi des espaces de prise de parole du champ académique et du champ politique, et donc de réaction par rapport à ce classement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai contacté le mensuel L'Étudiant, qui ne parle pas du tout du classement, c'est-à-dire que si beaucoup de journaux en parlent, certains journaux n'en parlent pas, comme L'Étudiant. Leur argument pour ne pas l'évoquer, c'est qu'ils le considèrent comme peu intéressant. Il faut savoir qu'ils ont aussi, eux, leur propre classement, donc une hypothèse serait peut-être de ne pas vouloir concurrencer les classements du mensuel. Mais la position est assez atypique hein, de ce journal, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors ce que j'ai observé, c'est qu'au niveau du traitement, donc il y a une sorte de routinisation qui se met en place à partir des années 2005-2006. Jusqu'alors, le traitement est quand même assez confidentiel. Et cette routinisation s'observe de manière assez frappante dans le cadre de l'agence d'information spécialisée, l'AEF, et aussi dans le cadre des journaux que j'ai indiqués, par exemple la journaliste des Échos, vérifiée, parce que c'est un classement dont les résultats sont publiés en général en juin ou en août, donc en août c'est une période particulièrement creuse, et donc les journalistes vont bien veiller à ce que les remplaçants ou les personnes qui prennent le relais ne vont pas rater la publication du classement, sachant qu'ils n'ont pas de date, qu'il n'y a pas de service de presse, et les journalistes m'ont confirmé que le ministère ne communique jamais sur le classement de Shanghai, alors qu'il communique énormément sur PISA, par exemple. Mais sur Shanghai, le ministère ne fait aucun, ni communiqué, ne communique pas du tout sur ce classement. Donc les journalistes sont obligés d'être un peu à l'affût, enfin en tout cas se mobilisent pour avoir les résultats et les diffuser. Et il y a une petite concurrence que j'ai pu noter dans le cadre des entretiens où certains journaux ne sont pas abonnés à l'AEF et donc il leur est difficile d'avoir les informations et donc ils font un petit travail de veille au moment de la période supposée de publication des résultats. Alors comme je vous l'ai indiqué, les journalistes ont évoqué la conformité axiologique des résultats de ce classement par rapport à leur propre représentation de l'excellence académique. Et en même temps, ils ont considéré que la mauvaise place, entre guillemets, je reprends les termes qu'ils utilisent, des universités françaises, constituait un véritable événement et justifiait qu'on évoque ce classement. Alors je me suis intéressée aussi, comme je vous l'ai indiqué, aux paroles rapportées. Alors, sous trois formes que j'ai pu observer dans mes deux corpus. Paroles rapportées, c'est-à-dire à la fois sous forme de citations, mais aussi j'ai pris en compte les tribunes, qui sont donc des espaces réservés, atypiques un peu dans l'espace de presse, puisqu'il y a une extériorité au journal que l'on observe dans ces tribunes. Et également, je me suis intéressée aux interviews. Donc, dans le cadre de ces trois dispositifs, j'ai observé qu'il y a cinq principaux champs qui sont présents, le champ académique, le champ politique, le champ économique, mais vraiment de manière assez marginale, vous allez le voir, de même que le champ de la Commission européenne, et le champ de la presse est vraiment très atypique. Les journalistes n'ont pas l'habitude de se citer entre journalistes, donc c'est vraiment très rare. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans la répartition de ces paroles rapportées, on voit que l'espace académique est très présent, l'espace politique aussi, je vais rentrer dans le détail puisque j'ai fait des catégories au sein de ces différentes paroles. Et donc on voit bien que si la Commission européenne, enfin l'Europe en tout cas, joue un rôle important dans la prise de connaissance de ce classement, en fait elle a peu communiqué dans l'espace de presse autour de ce classement. Et j'ai distingué les grandes écoles dans l'espace académique parce que ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, ceux qui vont réagir à ce classement sont ceux qui pensaient être présents dans le classement et c'est ainsi qu'ils vont contribuer, souvent malgré eux, à la publicisation de ce classement et à la co-construction de ce classement comme événement. Donc, le champ académique, en fait, va dès janvier 2004... Donc dès la connaissance finalement des résultats de 2003 du classement, réagir pour justement essayer de critiquer, de justifier finalement la mauvaise position des universités françaises. Et ce sont principalement les présidents d'universités qui prennent la parole. Il y a également les directeurs des grandes écoles. Et donc ce que j'ai observé, c'est ce qui confirme un peu mes hypothèses, c'est que ce sont les universités, par exemple Paris 11 et Paris 6, sont extrêmement présentes dans ces corpus et elles ont mis en place une politique au sein de leur établissement de signature, de citation. Elles ont énormément pris en compte ce classement comme critère d'évaluation et en interne, elles évoquent ce classement pour justifier d'une meilleure prise en compte des signatures dans le cas justement de ces évaluations. Donc on voit qu'elles sont très présentes et si ce fut un événement pour certains établissements, ce fut un non-événement pour d'autres établissements qui de fait ne communiquent pas vraiment sur les résultats du classement parce que de toute façon leur représentation dans l'espace académique n'est pas celle des grandes écoles ou de certaines universités. J'ai observé à partir de 2007, et je pense que c'est lié aux réformes, une progression des centres de recherche qui vont aussi être largement présents dans mon corpus. Au niveau du champ politique, c'est l'autorité, donc à la fois les représentants de l'État, j'entends ici des représentants surtout du ministère, donc de l'autorité de tutelle, et on observe à partir de 2007 une surreprésentation de Valérie Pécresse qui va évoquer le classement de manière assez régulière pour justifier des réformes et aussi annoncer la mise en place de nouveaux classements, cette fois d'origine européenne, qui était un nouveau classement censé un peu limiter les effets supposés du classement de Shanghai. excusez-moi, je vais un peu vite, mais c'est pour qu'on ait le temps de discuter. Je vais m'arrêter sur cet aspect-là et m'intéresser maintenant davantage à la dimension discursive hein, de cette circulation et de cette diffusion et des usages hein, de ce classement. Je me suis intéressée en particulier donc, à cette formule classement de Shanghai. Bon, il faut savoir que ce classement, au départ, donc, avait, je vais vous montrer des exemples, un titre qui n'était pas, comme les journalistes l'ont remarqué, une marque telle qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment un classement de Shanghai, et a fait l'objet d'un processus d'antonomas, c'est devenu presque un nom. Et si on observe bien, on n'a aucune référence dans le classement de Shanghai, on ne sait pas du tout que c'est un classement académique. On ne sait pas sur quoi il porte. Donc c'est intéressant. Je me suis demandé comment cette formule finalement avait réussi à se diffuser et à être reprise pour finir par s'imposer. Donc j'ai repris ici les travaux d'Alice Rick-Planck hein, sur sa notion de formule, donc pour qu'on puisse caractériser un syntagme de formule, il faut qu'on observe un caractère figé, qu'il fasse l'objet aussi de polémiques, qu'il ait donc une dimension discursive, c'est-à-dire que plusieurs usages finissent par construire cette formule et qu'il constitue un référent social, c'est-à-dire qu'il soit stabilisé au point d'évoquer une entité à part entière dans les discours. Alors au départ, l'émergence donc, de la formule n'est pas du tout manifeste. Hein. Au départ, c'est donc l'université Jiao Tong de Shanghai qui publie le classement mondial des 500 meilleures universités du monde. Donc on a un énoncé très long. Et ce n'est que finalement, donc pour les résultats du premier classement, on a beaucoup de formulations qui coexistent, donc avec classement des meilleures universités du monde, classement mondial de l'université de Jintao de Shanghai. Donc on a beaucoup de variations. Et dans une logique de presse, en fait, on voit que la référence à la ville Shanghai petit à petit s'impose et que la référence à l'institution, la référence au champ académique vont disparaître. Et donc pour garder uniquement classement de Shanghai. Donc on voit ici, je vous ai mis des exemples hein, de variations, donc classement des 500 meilleures universités dans le monde, classement Jiao Tong des 500 meilleures universités, on avait aussi classement mondial. Bon. Donc là, on voit qu'il y a une période, je dirais 2004 surtout, où il y a énormément d'expressions qui vont cohabiter, et c'est en 2005, on peut dire que vraiment il y a une stabilisation de la formule. Et je cite ici, pour exemple, un titre donc dans le Figaro, classement de Shanghai, 2 points, les universités françaises reculent. Donc là, on a vraiment une logique de presse qui domine et qui explique aussi l'imposition de cette formule. Alors, cette formule s'impose et elle s'accompagne de polémiques, puisque très rapidement, j'ai observé dans mes deux corpus, que les formules du type le classement de Shanghai, donc là il y a un exemple critiqué, un palmarès critiqué mais redouté, certes discutable, mais donc on a un certain nombre de, à la fois le classement est évoqué, reconnu, discuté, critiqué, ce qui va dans le sens aussi de la controverse et de la publicisation finalement de ce classement. Et indépendamment des critiques qui peuvent être opérées, j'ai observé qu'il y a un effet de circularité, puisqu'on va finalement, petit à petit, parler du fameux classement de Shanghai. Et le terme « fameux », finalement, justifie, la notoriété du classement justifie sa reprise et justifie sa circulation. Donc on voit ici un exemple hein, de ce fameux qui va aussi fonctionner dans les discours comme un argument aussi d'autorité. De la notoriété au référent social, il n'y a qu'un pas, et dans mes corpus, donc, il y avait un exemple très atypique, puisqu'il n'avait rien à voir avec l'espace académique, mais que j'ai indiqué ici, parce qu'il montre bien la familiarité, en tout cas, que cette expression va occuper dans un certain nombre d'espaces, puisque dans l'AGFI suisse, qui est un journal financier, il est fait référence au classement de Shanghai, puisque ce un classement financier est comparé au classement de Shanghai, c'est-à-dire que le Global Financial Index, c'est le classement de Shanghai des places financières. Donc on voit ici qu'on est vraiment dans une notoriété, une imposition, que je vais cependant nuancer parce que ce qui est très intéressant dans cette forme de circulation, c'est qu'on voit qu'elle est quand même liée à une forme de regard oblique. C'est-à-dire que si on sort des espaces médiatiques, académiques et politiques, le classement de Shanghai est en fait très peu connu et les travaux montrent que, par exemple, les étudiants connaissent peu ou pas du tout le classement de Shanghai et qu'en dehors d'espaces restreints, ce classement n'a pas la notoriété que l'on veut bien lui accorder. Pour conclure, et garder un peu de temps à la discussion, donc je voudrais souligner cette dimension assez atypique de ce processus de médiatisation, puisque un classement qui n'avait pas vocation à déplacer des frontières nationales, petit à petit va avoir un écho inattendu, pour autant sans moyens, c'est-à-dire sans service de communication, sans service de presse. Et il est vraiment lié à des logiques de presse dans un premier temps, qui, dans cette période de doute, où on recherche un peu des informations, il y a dans un premier temps eu cette construction d'un événement qui va être co-construit par les réactions qu'il va justement susciter. Et donc on a aussi, je suis passée peut-être assez vite, un format aussi qui est assez conforme, d'une part aux logiques de presse, puisque c'est une liste, le classement de Shanghai pour les médias, les classements en général d'ailleurs. Depuis les années 2000, il y a beaucoup de travaux sur la multiplication des classements. On a observé qu'ils font vendre les journaux, les classements font vendre. Donc il y a un intérêt économique aussi à la publication des classements. Il y a un intérêt sémiologique à la publication des classements parce que le format est très simple, la lisibilité est très simple, les commentaires sont très simples. Ça va aussi dans ce gouvernement par les nombres, avec cette idée qu'un chiffre, un nombre va résumer un certain nombre de choses. Et cette conformité axiologique qui va contribuer à la médiatisation de ce classement et à sa notoriété. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas mésestimer ce regard oblique qui est lié au champ académique et politique. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça révèle les rapports de force aussi au sein de l'espace académique français, puisqu'on voit bien les tensions qui peuvent exister entre les universités, les centres de recherche, les grandes écoles, qui vont être les premiers à réagir par rapport à ce classement, soit pour l'encenser ou au contraire pour le critiquer. Notons aussi pour conclure l'usage sociopolitique qui en a été fait assez atypique dans les années 2007-2008, où on voit bien l'intérêt de ces classements pour justifier d'un certain nombre de politiques. Et puis enfin, l'intériorisation aussi d'un certain nombre de représentations du champ académique et cette stigmatisation que les universités finalement finissent par intérioriser, et avec l'idée qu'elles ne tiennent pas leur rang et qu'elles ne sont pas à la hauteur, ce qui est une des caractéristiques des principaux titres que mon corpus m'a permis d'observer.